Yos. Yeah. Pour la musique. Un. Clap. Un. Car ensemble on fera de même pour la musique. Clap. Yeah. Ensemble on fera de même pour la musique. Clap. Wow. Car ensemble on fera de même pour la musique. Clap. Yeah. Ensemble, pendant que tu joues le son en boucle dans ton merco, pendant que tu vois ta fatigue noyée dans un verre d'eau. À ce moment tu vis, à cet instant je rime. À ce moment je rime, à cet instant tu vis. Ils veulent pas te voir caler encore dans le bain d'eau. J'ai mis du temps à gagner pour traiter sans un pinceau. À ce moment tu vis, à cet instant je rime. À ce moment je rime, à cet instant tu vis. Yeah, music, wow. Mon rap il sème la confusion entre ta zik et ma musique. Encore ce mur qui nous sépare donc, wow. Fais plus vraiment trop le thug, au lieu de foncer tête baissée tu réfléchis. Des problèmes familiaux, Renoir on en a tous. Alors pour m'évader en moi je laisse couler la musique. Qu'elle m'emporte et me rend. De toute façon je n'ai plus rien à perdre. Moi quelques mesures sur un couplet, c'est ça le truc. Music, je poursuis mes ambitions. Sûrement tu fais de même, alors souhaitons-nous la réussite, le gros succès. Pourquoi donc se haïr? Nos devis sont les mêmes, nos principes sont les mêmes. Nos mentalités pas pareilles, me trahis pas. La confiance y'en a qu'une. Le cœur parfois bloqué entre le bon et le mauvais choix. Parce que la vie n'a pas de sens, je fais du rap sans thème. Ta pensée, tes blessures avec tes larmes, ton cœur il saigne. Tragédie pour la musique. Car ensemble on fera de même pour la musique. Yeah. Ensemble, on c'est vrai des fois on perd, c'est vrai des fois on gagne, ouais. C'est vrai des fois on monte, ouais. C'est vrai des fois c'est down. Parce que plus dur j'apprends, le gros morceau j'attends. Parce que plus fort j'affronte, un sale récit je raconte. Tragédie, et quand les basses s'éteignent, alors je laisse mon cœur parler pour moi. De peur de confondre ce que je me dis, c'est ce que je pense. Je repousse mes limites, croyant toucher le ciel, rêvant pousser des ailes, me dire encore j'ai plus de barrière, putain. Sois pas si fier de moi, c'est bien sûr grâce à Nautilus. Je me suis forgé au milieu d'un grand merci, je dois à Daniel, Kelly, Junior, Melly, Sir Boris et Herman, je vous oublie pas. Yeah. Dios, hein. Car ensemble on fera de même pour la musique, hein. Yeah. Car ensemble on fera de même. Clap. Yeah. Hein. Pour la mule, pour la musique. Clap. Yeah. Hein. Car ensemble on fera de même, hein. Clap. Hein, car ensemble on fera de même pour la musique. Clap. Yeah. Ensemble on fera de même pour la musique. Clap. Wow. Car ensemble on fera de même pour la musique. Clap. Yeah. Ensemble on fera de même.